n'ont pas peur. Elles te regardent de haut. Parfois même elles te sourient, l'air de te trouver beau. Le bûche les protège et elles en profitent pour te montrer enfin que tu leur plais. Parfois même elles te sourient, l'air de te trouver beau. Les filles dans le bûche n'ont pas peur de tes yeux. Elles te fixent d'autant mieux qu'elles sont sûres de partir. Parfois même elles te sourient, l'air de te trouver beau. Toi tu leur échappes et c'est là qu'elles te veulent. Toi sur le trottoir et elles le nez collé au carreau sur lequel tu finis toujours. Si tu montes dans le bus, alors elles se transforment. Leur regard passe sur toi sans traîner. Tu es à leur niveau, elles ne peuvent continuer à t'aimer comme tu l'as toujours voulu. À t'aimer comme tu as toujours voulu qu'elles t'aiment.